Juste une petite remarque, oui. Parce que j'étais au comité national en 32, donc en histoire. Les ratios pour les postes de DR ne sont pas du tout les mêmes. Là, il y a 8 postes. Ça fait quelques années qu'il y a 8 postes de DR2 qui sont présentés au concours. Il y en a un seul qui est réservé aux extérieurs. Et 7 qui sont réservés à la promotion interne. Donc on n'est pas tout à fait dans... Mais il faut dire que comme ces postes n'existaient pas avant, c'est juste parce qu'il y a des gens qui sont CR1 et qui ont 55-60 ans. Et que donc ils sont en train d'écrémer là. Et il est possible qu'on passe ensuite dans une configuration commissaire. Nous, il n'y a plus de distinction a priori en fait. Les gens sont tous en concours externe. En gros, qu'on soit CR en poste ou qu'on soit de l'extérieur, on va présenter le même concours devant le même jury et on placera... Nous aussi, c'est le même concours, le même jury, mais il y a les consignes du CNRS, de l'administration, qui dit qu'il y en a un qui est réservé à un extérieur. Et les autres, c'est pour la promotion interne. Didier ? Remarques sur les âges. Il y a un moment où j'étais président de section au comité national et j'avais regardé le problème des âges de recrutement. À une époque où la pression était moins grande, probablement. Spontanément, la communauté, sans aucune pression, fait reculer l'âge de recrutement. Alors, dans nos disciplines à nous, ça reste assez raisonnable. C'est-à-dire, sur une période de 8 ans, on voyait une dérive d'environ 6 mois. Mais c'est systématique. C'est-à-dire, sans rien faire, sans mettre aucune contrainte, spontanément, la communauté... se laisse dériver vers des âges de recrutement un petit peu tardifs. Sur le problème des limites d'âge, moi je sais que j'ai longtemps milité à l'époque où j'étais justement au comité national, pour avoir une limite d'âge au niveau des recrutements CR2, pas en termes d'année civile de naissance, mais en termes effectivement d'année civile après thèse, enfin de durée après thèse, ce qui me semblait, pour respecter les disciplines, la solution la plus raisonnable, c'est-à-dire on n'a pas d'opinion sur l'année civile. Ça respecte à la fois les trajectoires individuelles, parce que personne n'est obligé d'être le parfait bon élève. Ça respecte la diversité des durées de thèse et disciplines. Et donc, du coup, ça me semblait... Et alors, je ne sais pas par quel mystère, je me souviendrai toujours d'une réunion des présidents de section du comité national, totalement minoritaire, infoutu de faire passer cette idée-là. Ça a peut-être changé. Non, c'est pas ça. C'est que le problème, c'est que c'est pas dit dans les textes, mais moi, quand j'étais au comité national aussi, c'était tacite. C'est-à-dire que la limite d'âge était partie et on considérait que 5 ans maximum, on pouvait se présenter comme CR2. Sinon, j'étais beaucoup plus extrême que ça. Moi, j'ai toujours considéré qu'un CR2, c'était au maximum 3 ans dans la suite de la thèse. Pour moi, l'intégration sur poste permanent, elle est immédiate après la thèse, au maximum dans les 3 ans, parce qu'une fois de plus, pas non plus avoir une rigueur totale. S'il y a des postes permanents. S'il y a des postes permanents. Une dernière remarque pour conclure. On ne peut pas non plus avoir la discussion de la précarité dans nos métiers sans regarder ce qui se passe en dehors de nos métiers. Parce que si nous, on a de la précarité qui explose, c'est bien parce que aussi, les gens qui sortent du système, ils ne trouvent pas de boulot ailleurs. On n'est pas non plus un monde qui est coupé des dures réalités du marché du travail en dehors du monde académique. Donc on est aussi un peu en train de compenser via ces systèmes de contrats, CDD, etc., un certain nombre de problèmes qui se passent ailleurs.